Avec un micro. Hein. On a même la caméra, mais bon, on est un peu timide. Hein. Ah, c'est joli ça. Bon, ok, j'attends. Là, ça devrait marcher. Monsieur Tone. C'est quoi? Si on fait ça avec un mini? Ah oui. Oh, c'est parti, c'est... Ça marche très bien. Je t'entends très bien. En fait, je suis un passif. C'est un synthé. J'aime pas qu'on m'agresse. Qui sort sur plusieurs voix. Enfin, ainsi, il y a des sons. En fait, oui. Si t'as un synthé qui route à plusieurs voix, l'idéal c'est de les sortir sur plusieurs voix en même temps, quoi. Et tu fais pas la même écho sur chaque, quoi. Ou tu mets une partie dry sur une voix. Enfin, tu vois, c'est tout dans l'écho, quoi. En fait, le placement dans la stéréo, ça se fait à la compression et à l'équalisation. Si tu mets un peu plus fort d'un côté avec une équalisation différente, tu vas voir le placement est différent. Donc en fait, tout le secret est là-dedans, quoi. Sinon, tu as des sons super... Bon, c'est stéréo, mais c'est super agressif et il n'y a pas de relief, quoi. Ouais. Voilà, c'est 10 euros là, le son. Hein. Ouais. Ah, ces musiciens, hein. Toujours en rapport avec l'argent. Non, je plaisante, merci. Ouais, blague à part. Ouais, et par contre, la cam. Est-ce que moi, tu es musicien planté, en fait. Professionnel, enfin. Je sais plus, ça plante, John Tabon. Non, pas. Ah. Non, je suis pas professionnel. Mais à la caméra? Ah, bah attends, je vais essayer la caméra. Dans mon expérience. Je vais voir. Attends, j'essaye ma caméra, mais je te promets rien, tu vois. Mais j'ai une sale tête là. Tu vois? C'est la caméra. Ah merde, c'est pas ça la caméra. Mais j'ai pas la caméra moi. Caméra a disparu.